الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amara, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى تخشير بيان نمي محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا في آخر رمضان. On est maintenant à la fin du mois de Ramadan. بقي يوم واحد أو يومان. Il reste un ou bien maximum deux jours. وسيعود رمضان إلى ربه. Et Ramadan va revenir vers son Seigneur, شاهدا بما رأى في الدنيا, comme témoin de ce qu'il a vu dans ce monde. شاهدا للطائعين بصيامهم. Il va témoigner en faveur des jeûneurs, de leurs jeûnes, leurs prières, صلاتهم, حسناتهم, leurs bonnes actions. وشاهدا للعصاة على ذنوبهم وحرامهم ونسيانهم لله. Et comme témoin contre les pécheurs devant leur péché, leur interdit et leur oubli de Dieu. ما أسرعها من زيارة وإن دامت شهرا. Combien était rapide cette visite ramadanique, même si le mois ou même si Ramadan a duré un mois. المؤمنون الصادقون أحسوا بأن رمضان كان بمثابة أسبوع أو أقل. Les croyants sincères, véridiques, ont senti que Ramadan était court, très court, comme une semaine ou moins. وتمنوا لو طالت أيامه ولياليه. Et ils ont souhaité que ces nuits, ces jours se prolongent. وغيرهم أحسوا بأن به كسنة أو أكثر. Les autres ont senti qu'il était comme une année ou plus. Ils ont souhaité la disparition de ces jours et de ces nuits. Akhi, ukhti, frère, sœur, le mois de la clémence, le mois de la miséricorde va nous quitter. Shahru al-maghfira. Le mois de l'absolution. Shahru al-itq min al-nar. Le mois de la délivrance des flammes de l'enfer. Shahru al-mala'ika. Le mois des anges. Shahru al-anwar al-ilahiyya. Le mois des lumières divines. Sayarhalu ila Allah. Il va revenir, il va voyager vers Allah. Liya'ouda fi sana al-qadima, insha'Allah. Afin de revenir l'année prochaine, si Dieu le veut. ولكن نحن لا نعرف هل سنكون في هذا العالم لاستقباله. Mais nous, on ne sait pas, est-ce qu'on sera là dans ce monde pour l'accueillir, أم سنكون في عالم القبور, ou bien serons-nous dans l'autre monde des tombes. شهر رمضان شهر مبارك يمر بسرعة. Le mois de Ramadan est un mois béni qui passe vite. هناك من الناس من كان يعد رمضان عدا. Il y a parmi les gens qui comptaient les nombres de jours avec précision. فيقول بقي 15. Il disait il reste 15 dans le mois. 15 jours. بقي 10. Il reste que 10. إلى آخره etc. وكل يوم يزداد فرحا لأن سيرتاح من رمضان. Et chaque jour qui passe, il devient encore plus content, plus joyeux, parce qu'il va se reposer en fin de ce mois. الأصل العكس. En principe, ça doit être le contraire. وأضرب مثالا. Et je donne un exemple. امرأة عجوز في دولنا الإسلامية. Une vieille dame. Dans l'un de nos pays musulmans. لها ابن أو ابنة. لها ابن في أوروبا جاء للدراسة. Qui a un fils ou une fille qui est venue en Europe pour finir ou pour poursuivre ses études. Et il rend visite à sa mère la vieille, une fois par année, un mois en été. Tu vois cette mère qui attend toute l'année le retour, la venue de son fils. Et plus l'été s'approche, زادت فرحتها, sa joie augmente. وسألت الله أن يطيل عمرها حتى تراه. Et il a demandé à son Seigneur de prolonger dans sa vie afin de le voir. وبدأت في الاستعداد الاستقبال. Et il a commencé à se préparer pour l'accueillir. أعادت صباغة البيت. Elle a refait la peinture de la maison. غسلت الأغطية. Elle a lavé les couvertures. صنعت الحلويات. Elle a préparé des gâteaux. بدأت تتكلم مع جاراتها عن ولدها. ولدي حبيبي سيأتي. وتكثر في الكلام. Elle a commencé à parler avec ses voisines. Mon bien-aimé enfin va revenir. وكأنها حمقاء. Comme s'il est devenu folle. من شدة الفرح. Il est devenu folle par excès de joie. سترى حبيبها. Enfin, elle va voir son bien-aimé. سترى ولدها. Elle va voir son fils. بعد انتظار دام سنة. Après une attente qui a duré une année. ويجيء الولد محملا بالهدايا. Et enfin, le fils qui arrive chargé par ses cadeaux, comme Ramadan qui arrive chargé par ses cadeaux. Et le plus grand cadeau du Ramadan, Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur. La mère le prend dans ses bras. Le serre fort contre sa poitrine. Elle sent son parfum, son odeur. La maman change toutes ses habitudes dans sa maison. Elle ne fait plus que les choses qui plaisent à l'enfant. Elle veille des nuits à côté de lui pour lui parler. La pauvre dame va commencer à compter avec précision les jours de ses vacances. Et elle regrette le passage de chaque jour. En souhaitant si les jours, les nuits se prolongent. Afin de profiter plus de la proximité de son cher fils. وتمر الأيام بسرعة. Et les jours, les nuits passent vite. وتحس الأم بأن ولدها لم يبق معها أو لم يبق له معها إلا عشرة أيام. Un jour, la mère va sentir, va comprendre qu'il ne lui reste à côté de son fils que 10 jours. أسبوع, une semaine. بضعة أيام, quelques jours. تبدأ في البكاء. Elle commence à ce moment-là à pleurer. تشكو حالها. إلى جاراتها. Elle va se plaindre à toutes ses voisines. ربما نام الولد. Peut-être l'enfant dort la nuit. وهي بجانبه. Et elle est à côté de lui. تنظر إلى وجهه. Elle regarde son visage. وجسمه. Son corps. والدموع في عينيها. Et les larmes qui coulent de ses yeux. ولدها. Son fils. حبيبها. Son bien-aimé. سيفارقها مرة أخرى. لمدة سنة. Il va la quitter une autre fois pour une durée d'une année. وهل يا ترى إذا عاد في السنة القادمة. Et si l'année prochaine son fils va venir comme d'habitude. هل يجدها حية أم ميتة. Va-t-il la trouver vivante. أو بيان مورت. الأصل أن يكون المسلمون مع رمضان مثل هذه المرأة مع ابنها. Normalement, les hommes, les musulmans doivent se comporter avec ce mois sacré, avec ce mois béni, comme le comportement de cette dame avec son fils. النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui, كان إذا جاء العشر الأواخر وأحس بأن رمضان راحل. Lorsqu'il y avait les dix derniers jours du mois de Ramadan, et il sentait que le mois va partir, va voyager, يعتكف في المسجد, il observait une retraite spirituelle dans la mosquée. متفق عليه, unanimement authentique. لماذا? Pourquoi? لتوديع رمضان, afin de faire ses adieux avec ce mois sacré. وكان يقول صلى الله عليه وسلم, et il disait prière et salut sur lui, لو يعلم العباد ما في شهر رمضان, si les serviteurs savaient ce qu'il y a dans ce mois, combien لتمنى العباد أن يكون رمضان سنة, ils souhaiteraient que le mois de Ramadan soit une année. الطبراني وابن خزيمة, rapporté par l'imam الطبراني et ابن خزيمة. أخي أختي, frère, sœur, رمضان أوشك على نهاية. رمضان est presque fini. فلنقم بتقييم صغير لصيامنا. Qu'on fasse un petit bilan de notre jeûne. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et saint, je lui dis, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi, par conviction du salaire, verra tous ses péchés pardonnés. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa qala Allah ta'ala, et Dieu le très haut dit dans un verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Fal hadaf min ibadat as-siyam huwa al-wusul ila at-taqwa. Donc le but recherché par l'adoration du jeûne, c'est le fait d'atteindre la piété, le haut niveau de la piété. Wa hadaf al-muslim هو الوصول للمغفرة. Et le but du musulman, c'est d'atteindre l'absolution. بمعنى من وصل للتقوى حصل على المغفرة. Ceci signifie, celui qui atteindra la piété aura en contrepartie l'absolution. أخي أختي, frère, sœur, إننا في آخر رمضان, comme vous le savez, on est à la fin du Ramadan. كيف كانت عبادتك? Comment était ton adoration dans ce mois? كيف كان صيامك? Comment était ton jeûne dans ce mois? كيف كانت قراءتك للقرآن? Comment était ta récitation coranique? هل تركت الذنوب في رمضان? As-tu renoncé au péché dans ce mois? هل كنت مع الله? Étais-tu avec Dieu? هل جلست مع الله? Est-ce que tu t'es assis dans ce mois plusieurs fois avec Allah? هل بكيت بين يديه? As-tu pleuré entre ses mains? كما يبكي الطفل أمام أمه, comme un enfant qui pleure devant sa mère. أخي أختي, frère, sœur, هل أنت راض عن عبادتك في شهر رمضان? Es-tu satisfait de ton adoration pendant ce mois ramadanique? هل صرت من المتقين? وصلت للتقوى لعلكم تتقون. Es-tu devenu pieux? Peut-être serez-vous pieux. هل رحمك الله في أول رمضان? Est-ce que Dieu t'a touché par sa clémence, par sa miséricorde au début du Ramadan? هل غفر الله لك في وسطه? Est-ce que Dieu t'a pardonné tes péchés au milieu du Ramadan? هل أعتق, هل أعتقك الله من ال, من النيران في آخره? Et est-ce que Dieu t'a délivré des flammes de l'enfer à la fin du Ramadan? في يوم العيد تعطى النتيجة. Le jour de la fête, cette fête-là, le résultat sera affiché, sera donné. إما جنة وإما نار. Soit un paradis, soit un enfer. قال جبريل عليه السلام, l'archange Gabriel prière et sage lui dit au prophet sallallahu alayhi wa sallam. Qala li nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Man adraka shahra ramadan, celui qui atteindra le mois de ramadan, celui qui va vivre jusqu'au mois de ramadan, falam yughfar lahu, et on ne lui pardonne pas, c'est-à-dire ses péchés, malgré qu'il a vécu dans le mois de Ramadan. فَدَخَلَ النَّارِ, et par la suite entrera à l'enfer. فَأَبْعَدَهُ اللَّهِ, et Dieu va l'éloigner. قُلْ أَمِينَ, dis Amen pour cette invocation, pour cette prière. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمِينَ. Le prophète prière, il s'agit, a dit Amen. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم rapporté par ابن خزيمة ابن حبان et الحاكم. أيها الإخوة والأخوات, أتدرون من الذين سيرحمهم الله؟ Savez-vous, mes frères et mes sœurs, qui seront touchés par la clémence, la miséricorde de Dieu؟ تحب أن تعرفهم؟ Aimes-tu les connaître؟ لقد ذكرتهم هذه الآية. Ce verset les a cités. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Les croyants et les croyantes sont étroitement liés les uns aux autres par l'amitié et le soutien réciproque. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent les zakat et obéissent à Dieu et à son messager. أولئك سيرحمهم الله. Ce sont ceux-là qui recevront la miséricorde de Dieu. Inna Allah azizun hakim. Dieu est certes puissant et sage. Fa'idha kunta tusalli bifarah. Dans le cas où tu priais avec joie. Tumfiqu ma laka bijoudin wa farah. Dans le cas où tu donnais de ton argent avec générosité et avec joie. Wa tuti'u Allah wa rasulahu bifarah. Et dans le cas où tu obéissais au messager et à Dieu avec joie, fahani'an lak, félicitations à toi. Amma in kana al-aks, tandis que si c'était le contraire, fadhalika sifatun min sifati al-munafiqin, il s'agit là d'un attribut parmi les attributs des hypocrites, alladhina taqulu anhum al-aya, pour lesquels le verset dit wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala. ولا ينفقون عند النفقة عندما يعطون صدقة ولا ينفقون إلا وهم كارهون كارهون للصدقة فلا الله يقول لنبيه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Dieu dit à propos des hypocrites qu'ils ne vont à la prière que paresseusement et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. Ils détestent la dépense, ils détestent la sadaqa. Lorsqu'on leur dit « donnez fisabilillah », ils détestent. Dieu dit à son messager « ne sois pas plein d'admiration devant leurs richesses et leurs enfants ». Dieu ne vise qu'à leur en faire une source de châtiment dans ce bas monde et à les voir rendre péniblement l'âme. En l'état de mes créances. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, إننا لا نعرف هل صيامنا أعجب الله. Mes frères et mes sœurs, on ne sait pas, est-ce que notre jeûne a plu à Dieu. هل صلاتنا أعجبت الله؟ Est-ce que notre prière a plu à Dieu؟ بمعنى لا نعرف هل سيرحمنا الله أم لا؟ Ça veut dire on ne sait pas est-ce que Dieu va nous toucher de sa grâce, de sa miséricorde ou pas. هل سيغفر ذنوبنا أم لا؟ On ne sait pas est-ce qu'il va absoudre nos péchés ou pas. ربما بقي يوم واحد ونصف فقط. Il se peut qu'il reste maintenant un seul jour et demi. وبور لا فان دو رمضان وعلى كل واحد منا اعتاق رقبته من النار اي شاكان دو نو دو شيرشي ا فير ديليفري سا تيت سون كور دو لانفير قبل نهايه رمضان افون لا فان دو موا دو رمضان علينا ان نفعل كل ما يرضي الله اون دو فير توت شوز كي بلي ا ديو pendant ce jour et demi qui reste في المده القصيره الباقيه اخي اختي ضيعت فرصه رمضان Frère ou sœur, tu as raté l'occasion du mois de Ramadan. Je te dis, ne t'attriste pas, ne te chagrine pas. Parce que ton Seigneur t'aime. Aujourd'hui, il t'a donné une occasion en or. Une dernière chance. لقد أتاك بإخوة لك من مدينة ستراسبورغ. Il t'a fait venir des frères à toi de la ville de Strasbourg لبناء مسجد ستراسبورغ الكبير والجميل pour la construction de la grande et belle mosquée de Strasbourg. يمكنك أخي اليوم شراء رضا الله بمالك. Tu peux mon frère aujourd'hui ou ma sœur acheter l'agrément, la satisfaction de Dieu avec ton argent. بالمال نشتري كل شيء avec l'argent normalement on achète tout toute chose نشتري البيت on peut acheter une maison un appartement نشتري السيارة on achète la voiture إلى آخره etc فلماذا لا نفعل نفس الشيء اليوم ونشتري مرضات الله pourquoi on ne fait pas la même chose aujourd'hui pour acheter l'agrément de Dieu la satisfaction de Dieu نشتري العتق من النار on achète la délivrance de nos propres têtes de l'enfer نشتري الجنة بالمال on achète le paradis avec les billets d'argent ماذا يفيد المال à quoi sert-il l'argent إذا لم نشتري به الجنة si on n'achète pas avec cet argent le paradis إنها آخر جمعة في رمضان il s'agit du dernier vendredi dans ce mois de Ramadan أخي أختي frère sœur حقق اليوم هذه الآية القرآنية réalise aujourd'hui ce verset coranique ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Parmi les serviteurs, il en est qui vont son âme pour obtenir la satisfaction de Dieu. Dieu est plein de compassion pour les serviteurs. اشتري اليوم مرضات الله. Achète aujourd'hui la satisfaction de Dieu. كن اليوم كصهيب رضي الله عنه. Sois aujourd'hui comme صهيب. Que Dieu soit satisfait de lui. أيها الإخوة والأخوات. Mes frères et mes sœurs. صليت الجمعة الأولى من رمضان في مدينة ستراسبورغ. J'ai fait la prière du vendredi du premier vendredi de ce mois sacré de Ramadan dans la ville de Strasbourg. وزرت المسجد الكبير الجميل et j'ai rendu visite au chantier de la grande mosquée et belle mosquée de Strasbourg. مشروع يكلف 8 ملايين أورو 8 ملايين سنتيم المغربي للتقريب un projet qui coûte 8 millions d'euros 8 milliards de centimes marocains. صرفت حتى الآن 5 ملايين. Jusqu'à maintenant, ils ont dépensé 5 millions. 5 ملايين. يحتاجون الآن لثلاثة ملايين لإكماله. Ils ont besoin aujourd'hui de 3 millions, 3 milliards de centimes pour le finir. ولم يبقى لهم مال. Et ils n'ont plus d'argent. ويخافون أن يوقف المشروع. Et ils ont peur. Que le chantier ferme. Ikhwanukum, yusallimuna alaykum. Vos frères vous transmettent leurs salutations. Wa ya'qiduna kull al-amal ala i'anatikum al-yawm. Ils comptent trop sur votre aide aujourd'hui. Ma al-ilm annahum zarukum qabla sanatayn, sachant qu'ils vous ont rendu visite dans cette mosquée deux ans avant aujourd'hui. Wa a'taytumuhum 40 alf euro. Et vous leur avez donné 40 000 euros de cette mosquée. جزاكم الله خيرا. Que Dieu vous récompense de la meilleure façon. فاليوم يطلبون منكم نفس الشيء أو أكثر. Aujourd'hui, ils vous demandent de leur donner la même chose ou plus. كالمرة الماضية, comme la dernière fois. هناك من عنده مال فليعطي. Celui qui a l'argent, qui a pris avec lui aujourd'hui l'argent, qu'il donne directement 100 euros ou plus, 50 euros ou plus. من ليس له مال, celui qui n'a pas pris avec lui l'argent, الإخوة أرسلوا 110 ضرف بطابعها, بالطوابع البريدية. Les frères nous ont envoyé 110 enveloppes avec les timbres. فالمرجو ممن أخذها أن يضع فيها شيكا. Donc celui qui prend une enveloppe, il met dedans un chèque, 100 euros ou أكثر, 100 euros ou plus, ويرسلها إليهم, et qu'il l'envoie à la mosquée. وهكذا ننهي رمضان في آخر جمعة بعمل يحبه الله. Ainsi on finira le mois de Ramadan, dans le dernier vendredi, avec une œuvre qui plaît beaucoup à Dieu, et qui sait, peut-être notre Seigneur va délivrer nos têtes de l'enfer. Innahu huwa al-ghafur al-rahim. Certes, c'est lui l'absoluteur et le miséricordieux. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-afwa wal-afiyya fi al-dini wal-dunya wal-akhirah. Allahumma alif ala al-khayr qulubana wa aslih dhat baynina واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, نتوجه إليك اليوم في مسجدك هذا, في يوم الجمعة هذا, في هذا الشهر المبارك, في العشر الأواخر. يا رب, صمنا كما استطعنا فإننا ضعفاء, ولقد خلق الإنسان ضعيفا, وخلق الإنسان ضعيفا. ضعفنا أعطانا هذا الصيام وهذه الصلاة وهذا القيام يا رب, ورغم قلة أدبنا معك ورغم قلة عبادتنا لك, فإننا اليوم نطمع في رحمتك, نطمع في توبتك. علمنا بأن رمضان يوشك على النهاية, جئناك بذنوبنا لنقول لك يا غفور يا رحيم يا رب العالمين, هل أعجبك صيامنا؟ هل أعجبتك صلاتنا؟ يا رب, ماذا أنت فاعل بنا؟ يا رب كريم, رب كريم. يا رب, من أجل ذنوبنا, من أجل إسرافنا في أمرنا, سميت نفسك العزيز الغفار وسميت نفسك الرحيم الرحمن. يا رب, نسألك اليوم أن تقابل إجرامنا وتقابل ذنوبنا بشيئين, برحمتك وبمغفرتك. يا رب, من يغفر لنا إن لم تغفر لنا أنت؟ إلى أين نتوجه إن أغلقت بابك في وجهنا؟ يا رب, لا إله لنا سواك. يا رب ارحمنا, يا رب اغفر لنا, يا رب اعتق رقابنا, يا رب اعتق اليوم رقابنا قبل الغد. يا رب ارحمنا وارحم كل المسلمين واغفر لكل المسلمين, إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا على ما كان فيه من تقصير. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, بلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا, واحدة واحدة, إلى سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.